partira. Et aujourd'hui, pour une troisième fois, décidé de sa première fois, c'est avec lui qu'elle le voulait. Un son bizarre là. J'ai un son bizarre.